Selon les masses médias sud-coréens, le 26 avril, à la commune de Seosong du canton de Cheojun de l'arrondissement de Songju de la province du Gyeongsang du Nord, les civils de différents milieux ont protesté contre l'introduction du SAD par les GIs à son emplacement en pleine nuit. Les habitants et les bouddhistes Won ont résisté avec acharnement à l'introduction des équipements du SAD, mais ils n'y ont pas réussi à cause de la répression de la police. Ils ont tenu sur le lieu une conférence de presse pour condamner vertement les autorités sud-coréennes et américaines qui ont effectué l'introduction de façon violente et par surprise. D'autre part, selon le journal internet sud-coréen Tongil News, le même jour, l'action populaire extraordinaire pour le retrait du pouvoir de Park Geun-hye et l'action nationale contre la disposition de SAD ont tenu une conférence de presse sur la place Gwanghwamun à Séoul pour condamner l'introduction des équipements de SAD par les GIs. D'après le même journal, le 27 avril, le comité de mesures extraordinaires du bouddhisme Won pour la sauvegarde de la terre sacrée de Songju a proclamé devant l'ambassade américaine à Séoul la grève de faim sans délai contre la disposition de SAD et la guerre et pour la paix, alors que le journal Hangyore a donné le même jour un éditorial critiquant l'introduction de SAD par les GIs.